Tu sais très bien où j'ai mal. J'ai mal. Je t'écris quelques mots. Mais c'est vous, c'est vous. N'oublie pas que t'es naïve. T'es naïve. C'est encore de ma faute. Mais tu sais que tu changes d'avis. Sans arrêt, sans arrêt, ouais, sans arrêt. Dans la vie, y'a ceux qui avancent, mais jamais sans s'engager. Oh ma vie, rejoins-moi, tout commence à s'embraser. Tu changes d'avis, sans arrêt, sans arrêt, ouais, sans arrêt. T'as repéré toutes mes failles. Y'a personne, personne. Les gens nous veulent du mal, et du mal. C'est qu'on n'est pas comme les autres, les autres. Mais tu sais que tu changes d'avis, sans arrêt, sans arrêt, ouais, sans arrêt. Dans la vie, y'a ceux qui avancent, mais jamais sans s'engager. Mais je n'avais jamais encore vu un charisme comme ça.